Vous voulez prendre un verre, Vincent? Non merci, je pense que Carole en a assez chez lui, il tient tout de même la joyeuse goutte, le seul bar de Bitbourg, et depuis que nous y habitons, Rebecca et moi, nous n'avons jamais manqué de verre. Je vous proposais à boire, juste à boire. Comme c'est étrange, j'ai du mal à comprendre. C'est étrange, vous avez dit étrange. Moi j'ai dit étrange? Je ne dis jamais étrange. Comme c'est étrange. Alors, que me vaut votre visite, mon cher Vincent David? Eh bien, depuis mon arrivée à Bitbourg, j'ai essayé de combattre du mieux que je pouvais les conspirations qui menacent la ville et... Des conspirations? Qui conspire? Ça, c'est ce que je cherche à savoir. Vous m'inquiétez. Pourquoi j'ai l'air malade? Rarbourg-en-rerez? Non, calmez-vous, mon fils, calmez-vous. Je ne vous comprends plus quand vous vous énervez, vous rajoutez des R partout. Continuez, mais calmement. Eh bien, j'essaie de guérir de cette maladie qui me touche, la maladie de Monsieur Dumbo. Vous devez bien sûr le savoir, puisque tout le monde le sait maintenant dans cette ville que je suis malade. Pendant tout ce temps, je cherche à me battre contre le mal, parce que je suis un héros, bien entendu. Allez au fait. Mais quoi? Je suis bien ici, pourquoi vous voulez que je parte? Non, je veux dire aller droit au but. Bien, je connais pratiquement rien de l'histoire de cette ville et comment vous dire... Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait la grande voleuse Jacqueline Boubillard et... Je vois. Vous voulez savoir pourquoi cette grande voleuse, jamais arrêtée à ce jour, tient une place aussi importante à Bitbourg? Vous voulez savoir pourquoi Jacqueline Boubillard est le mythe bitbourgeois par exemple? Car c'est bien un mythe. Moi-même, je ne suis pas sûr qu'elle ait jamais existé. Pour cela, il faut remonter à des temps anciens, du temps de Richelieu et des mousquetaires, du temps de... Oui, mais venez-en aux fêtes. Ah, les fêtes! Oui, les fêtes où l'on buvait beaucoup à cette époque. Mon aïeul lui-même rentrait dans le vif du sujet. Enfin, monsieur David, je suis abbé, un catholique. Je n'ai pas le droit aux relations sexuelles que l'on appelle les organes génitaux féminins, la grande vorace, la bouche ou le vif. Laissez tomber. Continuez. Je vais dormir pendant ce temps, moi. Eh bien, pour cela, il faut revenir au temps des mousquetaires du roi et cette époque où la famille Le Baron dominait la baronnie de Bitbourg. Le Baron, et son sénéchal, gouvernaient Bitbourg d'une main de fer et envoyaient volontiers les prisonniers à Monsieur le Bourreau, la grande autorité juridique de Bitbourg. Quelle belle tournée, mon sénéchal! Vous ne trouvez pas? Son sénéchal, je suis le sénéchal, son sénéchal, le baron. Aussi loin que je m'en souvienne, mes parents se sont toujours appelés son sénéchal. Et oui, c'est une bien belle journée, en effet. Ventre! Et les oiseaux chantent comme pour saluer ce jour! On dit diantre, baron, et non ventre, diantre! Ne ferions-nous pas mieux de rentrer au château, seigneur? Ces bois sont dangereux, et ils rôdent non loin de Bitbourg, d'après certains de vos serfs, une voleuse bien engageante. D'après mes sœurs? Mais enfin, son sénéchal, depuis quand parlez-vous aux animaux? Je ne parle pas aux animaux, baron. Les cerfs sont les paysans. Non, les cerfs, les animaux. Bon, ça s'écrit pas pareil. Oui, mais ça se dit pareil. Oh là, cheval, ne t'ébroue pas ainsi, ou bien c'est moi qui vais devoir brouter l'herbe. N'est-ce pas une manière poétique de dire que je risque de tomber, monsieur son sénéchal? Certes, oui, monsieur le baron, mais quittons les bois et retournons au château. Ce n'est pas vraiment sûr comme forêt, je vous assure. Eh bien, rentrons et... Hola, dame oiseau. Que faites-vous par un si beau temps dehors? Sacre bleu! Une dame tout de noir vêtue perchée dans les branchages. C'est la grande voleuse! Une voleuse? Et puis, nous ne sommes ni des dames ni des oiseaux! Je suis certes une voleuse, dame oiseau, mais je vais voler vos bourses. Nous abaisserons-nous à faire une mauvaise blague avec ceci, mon sénéchal? Oh non, monsieur le baron, ce serait trop de mauvais goût. Sortez votre épée et préparez à défendre votre vie à la pointe d'une lame. Courageux ou stupide? Je ne sais que choisir et hop! Elle saute sur nous, son sénéchal! J'ai peur! Bats-toi, bougresse! Voilà, Jouvenceau. J'ai pris vos bourses sans que vous ne vous en rendiez compte. Si vous voulez continuer à jouer avec votre épée, jouez donc tout seul. Moi, je quitte les lieux sans délai. Oh mon Dieu! Avez-vous vu, Sénéchal? D'un coup d'épée, elle trancha net le fil de votre bourse sans aucun mal. Elle s'enfuit maintenant et file comme le vent. Oh la vilaine! Elle nous a volé notre or sans aucun autre remords que celui de ne pas nous avoir taillé en pièces. Mais regardez votre manteau, mon ami! Est-ce bien un B qu'elle y aurait inscrit? Un B? Mais pourquoi? Serait-ce ici son nom? Sa marque? Ou bien serait-ce un mythe ancien qui reviendrait aujourd'hui nous salir les mains? Cette dame, voleuse et sans phare qui inspire la terreur de son nom, Jacqueline Boubillard! Une grande voleuse qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom est le signe à la pointe de son épée, d'un B qui veut dire Boubillard. Boubillard, voleuse rusée qui fait sa loi. Boubillard, vainqueuse, tu l'es à chaque fois. Boubillard, Boubillard, Boubillard, Boubillard, Boubillard. Hello, sir. À boire, please. Tout de suite. Voilà, Carolin, tu vas pas servir ce foutu anglais tout de même, hein, et oh. I'm not a foutu anglais, s'il vous plaît. Je suis Peter Brushing, et je viens ici pour monter mon salon de coiffure. C'est vrai, nous ne sommes plus en guerre depuis longtemps, mes amis. Accédons à sa demande, et nous serons considérés comme des gentils. On n'est plus au 27 janvier 1034. Oh, ce Carolin, oh, qu'est-ce qu'il est marrant, celui-là, quel bout en train. T'es trop drôle, Carolin. Attendez une seconde, là. Vous allez pas me dire que Carolin est l'ancêtre de Carole, tout de même. Si, bien sûr. Vous ne reconnaissez pas son humour? C'est-à-dire que maintenant, il fait des blagues avec des numéros de téléphone, pas avec des dates. Sacré Carole! Et oui, il est tellement drôle qu'il pourrait se contenter de lire l'annuaire pour faire rire. Et d'ailleurs, il s'en contente. Et ce Peter Brushing, c'est l'ancêtre de l'actuel Peter Brushing, le coiffeur de Bitbourg? Oui? Comment avez-vous deviné? C'est-à-dire que... Bon, je peux continuer, vous ne cessez de m'interrompre. Très bien, je... Non, je vais me... Oh là là! Je vais me taire... On se tait, monsieur David, on se tait! Revenons donc où nous étions, à la taverne La Joyeuse Goutte, la seule taverne de Bitbourg à l'époque. Il n'y a toujours qu'un seul bar à Bitbourg et c'est La Joyeuse Goutte. Bonjour, monsieur Langlois. Pourrais-je m'asseoir à votre table sans gêner vos pensées? Eh bien, faites! Mais que vois-je? Et vous êtes mort? Je suis vivant, pourtant. J'ai juste le teint foncé, mais l'œil vif encore, pour ne pas passer pour décédé ou bien mort. Non, vous êtes mort! M-A-U-R-E! Un sarrasin, en somme. Vous aussi êtes étranger. Dites-moi que l'on vous délaisse pour que mon cœur ne plonge dans la tristesse. Depuis mon arrivée, aucune parole on m'adresse, c'est à croire que marche derrière moi les souvenirs d'une guerre funeste. Vous êtes anglois et moi sarrasin. Je suis Abdul Pola. Mon aïeul, Rachid Pola, a combattu Charles le Martel, mais il est mort à Poitiers, d'un coup de hache dans le crâne. Ah, il était dur à l'époque de ne pas se mettre Martel en tête. Oui, oui. Ma mère l'avait accompagné sur le champ de bataille. Elle survécut et par une bienheureuse chance continua sa route jusqu'à mon cul. Mon Dieu, vous avez pratiqué de l'inceste, hein? Non, non. Mon cul est une vraie ville, non loin de là. Elle poussa de mon cul jusqu'à Bitbourg, une bien lourde carriole sur laquelle nous nous reposions, mes frères et moi. Et nous arrivâmes à Bitbourg dans le bonheur et la joie, Il nous fallut du temps pour nous faire accepter, mais de la populace, nous devînmes vite les épiciers. Cela me rassure, bien-aimé ami. Je n'aurai donc aucune peur à devenir coiffeur. Pour ce qui est de la peine, il me restera à y passer un brusque coup de peigne. Et après un peu d'effort, je ferai enfin partie du décor. Buvons, amis, et savourons l'ambiance de cette taverne. Oyez, oyez, bite bourgeois, bite en bourgeoise. Voici Robert, la voix de Bitebourg. Oyez, oyez, gens de Bitebourg, ce fut cet après-midi qu'une bougresse attaqua notre baron, le baron et son sénéchal. Nous demandons à la populace de Bitebourg de signaler tout acte délictueux, ceci nous permettra d'arrêter ces vols affreux. La voleuse se nommerait Jacqueline Boubillard et le baron la voudrait vivre plus tôt que tard. Dépêchons, organisons une milice et courons les bois pour arrêter ce vice. Le vol est tout seul à rendre les gens vilains, si bien que nous devrons arrêter ces deux voleuses des deux mains. Avec les deux mains, nous pourrons pas avoir des armes. Saviez-vous qu'il y avait une voleuse à Beachbrew? Oh non, je n'en avais jamais eu vent. Voulez-vous boire autre chose? Ou cela sera suffisant? Merci mon bon Caroline, je reprendrai bien du vin. Lâchez-moi! Calmez-vous, peuple de France, peuple de Bitebourg, calmez-vous. Nous voici réunis en cette place du village, juste devant l'église, pour... Brûler la sorcière! Ouais! On va la brûler! Enfin! Brûler la sorcière! Laissez-moi parler, au nom de Dieu, je suis abbé, respectez-moi, respectez-moi! Excusez-moi un instant, là. Cet abbé, c'était votre aïeul. Oui, l'abbé Molsi, premier du nom. Il a failli devenir archevêque, mais il n'a pas su passer sa bure d'argent qui lui permettrait d'entrer dans l'évêché. J'ai du mal à saisir. Lâchez ma jambe! Pour quelqu'un qui a du mal à saisir... C'est que cette histoire de sorcière, d'un coup, ça me fait peur. J'avais besoin de me tenir à quelque chose. Puis-je continuer? Continuez. La foule en délire se pressait donc aux portes de l'église, prêt à élever un bûcher pour y brûler la sorcière Jeanne Ifer. Pour quelle raison? Elle élevait, paraît-il, une bête étrange et féroce, une bête qui attaquait les gens pour leur voler les dents et... Une bête qui volait les dents? Oui, mais laissez-moi finir, je vous en prie. Cette bête, tout Bitebourg l'avait surnommée la bête du... J'ai vos dents, paysan, La bête les a oubliées dans la forêt après vous avoir attaqué, vous et vos amis. Lâchez-moi, vous ouvre, bye, c'est les boys. Donne la gueule, genre. Maintenant, brûlons la sorcière. Je ne suis pas une sorcière. Je suis une sage-femme. Mensonge honteux. Et honté, c'est le diable qui parle par ta bouche. Mais puisque je vous dis que je suis une sage-femme. Et c'est vrai. C'est qui? Qui c'est lui? Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce gars-là? Je suis le duc Paolo Botomi, premier du nom du duché de Milan, du comté de Brunsbury, du fief du Marais Poitevin, fils de Ernesto Botomi, premier archiduc d'Autriche, frère de l'autre riche Maliendo Botomi, archevêque d'Almstebury, baron de Brandebourg, chevalier de la Croix du Sud et de la Croix et la Bannière et de la Croix détachant, capitaine du 44e régiment d'Espada Saint-Tyrolien, général des armées de Florence, marchand de Venise, mari de Figaro, écuyer du roi Léopold, membre de l'ordre des médecins de Venise et avant-centre du Calcio, époux de Lady Chatterley, Berkeley, Samsey, Perdé, Anna de Brakefic. Je suis le seul homme qui n'apparaîtra jamais dans un dictionnaire, car mon nom et mes titres prennent 2 pages et demie. Oh. Et que venez-vous faire ici? Vous êtes un ami de Jeanne la sorcière? Oh non, pas du tout. J'avais perdu mon chemin, j'ai vu un attroupement, alors je suis venu. C'est vrai que cette femme a l'air sage. Regardez son visage angélique. Oh, duc Paolo Botomi, premier du nom, du duché de Milan, du comte de Brunsbury. Vous n'allez pas citer tous ces titres tout de même? Il est si beau, il est si grand, il est si fort et il a une énorme prestance. C'est le genre de choses que je cache pourtant. Je suis relativement pudique. Détachez cette donzelle, elle sera mienne. Détachez cette donzelle? Il faudra en parler au baron le baron. Vous êtes sur son fief, s'il accepte, alors l'église devra se plier à sa volonté. Bon, on va brûler qui alors? Qui on va brûler? Qui alors? Chut, chut, regardez cet homme, il a une barbe rousse, c'est un hérétique! Embûcher! Lâchez-moi, je prie tous les jours! Embûcher! Ah, c'était une bien belle soirée. Je vous remercie, Abdul, de m'avoir aidé. Votre secours me sera favorable pour la Beat Boom intégrée. Mais comme les rues de la nuit ont l'air peu sûres, regardez tous ces hommes qui s'échappent des masures. N'en ayez cure, mon ami. Ici, nous ne craignons rien. Le seul brigand de tout Bitbourg s'est retrouvé au donjon, où il cuve tout son sou et y grave des bâtons. Il regarde les jours passés et les heures qui s'égrènent, tout en repensant à ce qu'il a commis, à ces choses vilaines. Hola, Marou. Bien le bonsoir. Oh, mon Dieu! Une dame en noir. Me rendrez-vous mon salut avant que je ne vous vole? Plutôt m'affubler d'une plume dans le cul pour que je danse la farandole. Ah, le coquin. Il a la langue bien pendue. Voyons voir si sa bourse est si pleine. Ciel, Abdul! Elle nous déleste de nos écus. Et du bout de son épée, elle me picote le cul. C'est pour vous apprendre les bonnes manières et le respect des femmes. Maro, arrière! Ah, qu'a-t-elle inscrit sur mon veston? Je ne saurais le dire. Peut-être est-ce son nom. C'est un bi. Un bémoin? Non, un bi. Un betterave, un béchoui, un abbé, un... Non, un bi. Un bi, un bi, quoi, un bi, un bi. Oui, un bi comme boubillard. Bien le bonsoir, homme de peu de foi. Elle ne sait pas tout l'alcool que l'on boit pour dire cela. Et dites à vos compères que Jacqueline Boubillard vous a ôté vos fers. Car votre argent lesté vos poches, je n'ai fait que vous alléger, en somme. Adieu donc, je pars, je cours, je vole. Bah non, elle s'en va juste à pied. Ce n'est rien, mon ami, laissons tomber. La nuit plane sur tout Bitbourg. Rentrons nous coucher. Ah-cha ! Ah-cha ! Vous vous êtes enrhumé ? Le fond de l'église est frais. Vous avez peur? Vous savez que bon nombre de gens n'auront pas compris le subtil jeu de mots que nous venons de faire. Les ingrats. Tenez, voici un mouchoir. Non, non, ceci est mon habit. Je vous interdis de vous moucher dans mon habit d'abbé. Prenez le mouchoir, là. Merci. Alors, la suite? Donc, Jeanne Tijan, la sorcière, avait été sauvée par le duc Bottomé. Pendant qu'il se rendrait chez le baron pour déterminer si oui ou non Bottomy avait le droit de garder la pauvre Jeanne sous sa coupe, Abdul, le sarrasin et Peter Brushing l'anglois se trouvaient attaqués par la voleuse Jacqueline Boubillard. Et juste lorsqu'elle s'enfuya dans la nuit sombre et obscure, Bottomy et Jeanne se voyaient accorder un droit d'audience par le baron, le baron. Le duc Bottomy ! Et Jeanne la sorcière! Diable, que cette salle est grande! On pourrait y faire une fête de tous les diables! Chut, Jeanne. N'oubliez pas que vous avez failli être brûlée vive pour sorcellerie. Mesdames, messieurs, sa majesté, le baron, le baron! Oui, oui, monsieur son sénéchal! Un peu moins de cérémonie, s'il vous plaît. Je ne suis pas si majestueux que ça. C'est juste pour rendre au roi ce qui appartient au roi. Mais je ne suis pas roi, voyons. Je ne suis juste qu'un modeste baron. Bienvenue, bienvenue au château de Bitbourg. Qui êtes-vous donc, vous qui arborez un air si noble? Si j'ai l'air noble, c'est que je le suis. Ouh, aïe, on vise la réponse, man. Comment il t'a soufflé, là? Son sénéchal, je vous en prie, que me vaut cette insolence? Est-ce donc l'air d'avoir trop d'outrecuidance? Certes non, baron. Je suis le duc Paolo Bottomy, premier du nom, du duché de Milan, du comté de Pansbury, du fief du marais Poitevin, fils de Ernesto Potomi, premier archiduc d'Autriche, frère de l'autre riche Maliendo Potomi, archevêque d'Almstenbury, baron de Brandebourg, chevalier de la Croix du Sud et de la Croix et la Bannière et de la Croix détachant, capitaine du 44e régiment d'Espadassin tyrolien, général des armées de Florence, marchand de Venise, marine de Figaro, écuyer du roi Léopold, membre de l'ordre des médecins de Venise et avant-centre du Calcio, époux de Lady Chatterley, Berkeley, Samsay, Purday, Anna des Prakevic. Je suis le seul homme qui n'apparaîtra jamais dans un dictionnaire car mon nom et mes titres prennent 2 pages et demie. Foutre Dieu! Et moi je suis le baron. Le baron, troisième du nom de la baronnie de Bitbourg, de la baronnie de Bitbourg, quoi! Ce qui est déjà bien suffisant. Et cette donzelle qui vous accompagne, ne l'ai-je pas vue auparavant? Je suis Janifère, paysanne, monseigneur. Mais tout le monde pense de moi que je suis une sorcière, et de moi ils ont peur, monseigneur. Ne devait-on pas vous brûler aujourd'hui même? Oh! Mais vos citoyens s'en sont donné la peine. C'était sans compter sur ma personne qui est apparue pour sauver la bonne. La bonne? La bonne, la quoi? Non, je voulais dire cette jeune femme. Monsieur le baron, je n'aime pas ce gredin. D'où vient-il? Que veut-il? Nous n'en sommes point certains. Alors, peut-être est-il de mèche avec Jacqueline Bobillard. Jetons au dehors, avant qu'il nous vole et qu'il ne soit trop tard. Il est déjà tard, son sénéchal. La lune s'est levée et illumine de sa lumière maligne toute la forêt. Restez au coin du feu, adossez-vous à la cheminée. Rien de mieux qu'un peu de chaleur pour se décontracter. Monsieur, la raison de ma visite est simple. Je souhaite que vous me donniez à charge cette charmante donzelle. J'en ferai ce que bon me semble et personne ne m'importunera outre mesure. Que me donnez-vous en échange? En échange? Eh bien, j'ai un pins, si vous voulez. Un pins? Encore une œuvre du diable, monsieur le baron. Ou sinon, j'ai ceci. Oh! Waouh! Ça brille, c'est beau! Serait-ce de ces bijoux que l'on porterait à même la peau? Ce sont les bijoux du roi. Il me les a donnés de bonne foi. As-tu lu mal? Non, ce sont juste des bijoux, monsieur le baron. Eh bien, duc Potomi, restez à Bitbourg comme bon vous semble. Je vous donne cette donzelle, si vous me donnez ces bijoux. Ciel, l'affaire est close, mais ce duc ne m'inspire guère confiance. Il faudra donc que sur lui je veille avec méfiance. Oh, mille merci, duc Potomi. De ma vie, vous êtes l'heureux propriétaire de mon corps. Vous aurez fort à faire. L'affaire est conclue, monsieur le baron. Prenez ces bijoux et faites attention au vol. Car si l'on vous les dérobait, j'ai peur que cela ne vous affole. Certes oui, duc, certes oui. Des bijoux? Que l'on voit bien de cet arbre tout ce qui se passe dans le château. Eh bien, noble baron, à tes bijoux, fais attention. Car Jacqueline Boubillard te les volera bientôt ou tard. Mais que... Ciel! La bête du Gévaudan! Partons vite avant qu'elle nous ôte une molaire! Les bijoux du roi? Oui, et Jacqueline Boubillard s'empressera de les voler. Ceci sera son premier grand coup, et elle ne le fera pas dans la discrétion. Pourquoi? Eh bien, pour fêter l'arrivée du duc Potomi à Bitbourg, le baron décida d'organiser un grand banquet dans son château et confia la lourde tâche du menu à Carolin, le patron de la Joyeuse Goutte. Une grande fête se préparait, et Jacqueline Boubillard allait frapper. « Oyez, oyez, gens de Bitbourg, ici le crieur Robert Weppa. Bonjour Bitbourg, le baron organise ce soir une grande fiesta à son château pour fêter l'arrivée du duc Bottomy à Bitbourg et l'acquisition des bijoux du roi. Tout Bitbourg est invité, c'est Carola, notre âme le tavernier, qui s'occupera du menu. On compte sur vous pour être nombreux. Oh, je vais avoir plein de boulot, j'aurais bien besoin d'une aide encore. De quoi te plains-tu? Moi j'ai aucun travail. J'en aimerais bien, mais où le trouver? C'est vrai, mon cher, j'en branle pas une. De quoi me plains-je? Bon, eh bien au boulot. Allons donc faire cuire ce gros gigot d'agneau, ensuite nous ferons la fête ce soir au château. Regardez, monsieur le baron, comme ils viennent nombreux ce soir. Ils s'amassent tels des veaux dans la cour de mon château. Mais c'est bien cela, la populace, n'est-ce pas? Des moutons qui se pressent aux portes de mon palace. Monsieur le baron, je compte sur vous pour ne pas crier cela haut et fort. Sinon, c'est la révolution qui guettera à nos portes. Eh bien, entamons donc un discours pour cette population qui n'attend que notre bon vouloir pour faire la fête dans mon bastion. Mes amis! Mes amis! Bite bourgeois, bite en bourgeois! Sangueux et paysans de tout poil! Pauvre air et pauvre serre! Moi, baron le baron, vous invite à vous joindre au buffet! Ripaillons ensemble de concert et main dans la main, que la noblesse s'allie à la pauvreté pour faire la fête! C'est beau ce que vous disiez, monsieur le baron, c'est beau. Goûtez donc à ces repas que mon bon Carolin nous a préparés! Doucement, doucement, je ne vais pas réussir à servir tout le monde en même temps. C'est pour qui le pâté dragondin? Très bien, et pour vous ce sera? Oh, ma Carolin, c'est moi dans un bois. Tout de suite, Périsan, allons vous dessécher le gosier avec ce bon vin. Alors, Carolin, tu arrives à servir tout le monde? C'est dur, c'est lourd, je tombe. Eh, hey, regarde, Carolin! L'anglois Peter Broching se fait prendre à partie par quelques-uns de nos amis. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Je ne suis plus en guerre contre vous! Je suis anglois, certes, mais je veux ouvrir un salon de coiffure à Bitbourg. Dehors, l'anglois, dehors! Ici, on ne veut point de toi. Cessez vos galéjades! Laissez mon ami tranquille ou je vous balance un boulet pour vous faire choir tel des quilles. Ah mon dieu, le sarrasin Abdul Pola! Oui, mais je suis également épicier et ça ne l'oubliez pas. Mille pardon, épicier Abdul, nous laisserons votre ami en état. Voulez-vous que je vous coupe les cheveux? Eh bien oui, faites-le donc sous peu. Venez et devisons ensemble. Fini la guerre entre nous, soyons amis et buvons jusqu'à la lie. Jusqu'à qui? Non, c'est une expression, la lie, L-I-E, la lie, Elio. Je vois, ça avait l'air d'être la fête quand même, hein. Oui, ce fut une très grande fête et beaucoup vomirent dans les champs. Mais à cette époque, tout le monde s'en fichait et Dieu aidait les gens malades de l'alcool en les faisant vomir. C'est Dieu, selon vous, qui nous fait vomir quand on est malade? C'est Dieu qui fait tout. Ouais, ben d'accord. Et prends-moi pour un con. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ne brûlons pas les étapes. Ce soir-là, Jennifer s'était mise à un balcon du château pour humer l'air du soir. C'est alors qu'elle entendit une voix. Qui est-ce? Qui parle en dessous de mon balcon? Est-ce toi, amour, dont j'attendais la venue depuis si longtemps? Ah, c'est moi, Paolo Potomi, premier du nom, duc de Banzebourg. Oh, évitez de citer votre lignée à chaque fois que nous nous voyons, ce serait mieux. Oh Paolo, mon Paolo. Je viens vous chanter la sérénade, car je vous aime. Oh oui, moi aussi, duc Paolo. Prenez-moi avec vos mots. C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. J'ai l'impression de te regarder comme pour la première fois. Des mots, rien que des mots. Par moments, je ne te comprends pas. Des mots, rien que des mots. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole. Comme j'aimerais que tu me comprennes, que tu m'écoutes au moins une fois. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les thunes. Paroles, les paroles, les paroles. Écoute-moi. Paroles, les paroles, les paroles. Mais que tu es belle. Paroles, les paroles, les paroles. Que tu es belle. Oh, merci Paolo. Mais pourquoi vous raidissez-vous ainsi en bas de mon balcon? C'est que je sens quelque chose qui pointe dans mon dos. Bonsoir, joli cœur. Je vous demanderai de vous pousser le temps que je lance ce grappin sur le balcon de votre mie. De ma croix ? Mie. M-I-E. C'est un terme affectif. Qui est-ce ? Qui est-ce donc, Paolo ? Je suis Jacqueline Boubillard, la grande voleuse. Mon Dieu ! Elle grimpe ! Fuyez, Jeanne ! Fuyez ! Bonsoir, pucelle. Tu es certes bien belle, alors pousse-toi de mon passage si tu ne veux pas que je te défigure. Une voleuse ! Une voleuse ! Une voleuse ! Jeanne ! Vous l'avez tuée ! Restez en bas, Duc Bottomy, si vous voulez qu'elle reste en vie, car je ne l'ai pas tuée. Je n'ai fait juste que l'assommer. Maintenant, mes amis, laissez-moi vous montrer les bijoux du roi. Ouais. Ça suffit, monsieur son sénéchal. Faites donner la troupe pour calmer la foule. Je crois qu'ils vont se calmer d'eux-mêmes, monseigneur, et... Ciel, qu'est-ce que... Jacqueline Boubillard. La grande voleuse. Ah ah, je viens de vous prendre les bijoux du roi. Tout cet or mérite d'être fondu pour servir à autre chose. La chienne ! Arrêtez ! Elle vient de vous faire un baiser sur le ventre. Oui, un baiser comme Jacqueline Boubillard. Adieu les amis, et vous peuple de Bitbourg, je vous rendrai bientôt riche, car tout l'argent que je vole vous reviendra. Ouais ! Vive Jacqueline Boubillard ! Vive la grande voleuse ! Faites donner la troupe, son sénéchal ! Matons cette foule stupide qui prend parti pour cette brigandise ! Oui, tout de suite, monsieur le baron ! Faisons couler le sang ! Faisons couler le sang et que les corps sans vie, tout dur, jonchent les pavés de votre château, que l'on appellera le château de la terreur ! Ça ne va pas, monsieur son sénéchal ? Si, pardon, excusez-moi, je fais sonner la trompette. Et maintenant, mettons-nous aux trousses de cette vilaine! Jeanne! Jeanne! Vous allez bien? Oh, ça résonne encore dans ma tête! Ce n'est rien. Elle vous avait juste assommé. Venez, partons. Allons construire une maison. Je me ferai médecin et nous serons heureux ensemble. Je ne peux pas vous suivre, Paolo, même si je vous aime. Mais pourquoi donc, Jeanne ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je suis une Ifère et vous êtes un Bottomy, Paolo. Depuis la nuit des temps, nos familles sont ennemies. Vous ne saviez pas. Waouh ! L'excuse pour pas coucher ? Non, non, je vous jure, je dois partir, mais vous resterez pour moi mon Roméo et moi votre Juliette. Mais si le baron venait à l'apprendre, il nous tuerait. Je dois prendre soin de vous. À mon avis, le baron aura trop fort à faire avec cette Jacqueline Boubillard pour s'occuper de nous. Adieu, Paolo. Monsieur le baron, Taillot ! Allons sucer cette vilaine ! On dit suce à la vilaine ! Et le baron et son sénéchal galopèrent et galopèrent encore et encore, sans jamais retrouver cette Jacqueline Boubillard. Jacqueline Boubillard, la grande voleuse, continua à voler et voler encore partout dans Bitbourg, et ce jusqu'à aujourd'hui. Et dans le cœur des Bitbourgeois, Tout le monde a l'impression que c'est la même Jacqueline Boubillard qui commet des méfaits et des vilainies depuis cette époque-là. Voilà, c'est tout ce que vous vouliez savoir. Ouais, à peu près, ouais. Je pense que ça me suffira. Je vous remercie, Bémol Si. Je dois y aller. Essayer de retrouver une vieille connaissance. Voilà, c'était donc le 12e épisode du feuilleton Aussi loin que s'en souviennent les lilas, le seul feuilleton de Prune. Dans cet épisode, nous avons pu constater donc tout l'impact sociologique que pouvait avoir cette Jacqueline Boubillard, puisqu'elle fait une apparition assez remarquée dans une période assez trouble, une période moyenâgeuse, dirons-nous, où elle vole les bijoux du roi. Donc pour discuter de ce 12e épisode fort bien réussi par ailleurs, j'ai donc invité quelques sommités donc du monde de la pensée, du monde de l'intellectualisme parisien. J'ai donc à ma droite monsieur. Oui, bonjour monsieur Posanski. Très bien monsieur Posanski. Vous allez bien? Oui, on se fait la bise. D'accord. En face de moi, j'ai donc monsieur. Monsieur Sévère, s'il vous plaît. Sévère, d'accord. Très bien, bonjour. On ne rigole pas. On ne se fait pas la bise non plus. Non. Et à ma gauche, le monsieur. Karl Weber. Karl Weber, d'accord, le frère de Francis, n'est-ce pas, je pense. Nous allons donc commencer à discuter de cet épisode très réussi, je l'ai dit, du feuilleton Aussi loin que s'en souviennent les lilas. Nous allons parler des implications donc, géopolitiques que Jacqueline Boubillard, ce grand mythe, cette grande voleuse, toutes les implications géopolitiques donc, qu'elle a pu avoir dans le domaine de Bitbourg. D'abord, je vais peut-être revenir un petit peu sur les évidentes erreurs historiques qui ont été... je pense volontairement fait dans cet oui, épisode. Non, je pense aussi comme il y a, faut quand même pas se moquer de l'histoire. On ne rigole pas avec l'histoire. L'histoire, c'est sérieux. Je ne peux que m'insurger contre le portrait caricatural qui a été fait de nos amis anglais, nos amis méditerranéens que vous appelez morts avec un terme extrêmement péjoratif. Donc, je tenais à vous le dire. D'un autre côté, on peut voir un petit peu l'appropriation du cliché par. Par l'auteur de cet épisode, qui est aussi très important. Il revendique haut et fort ce cliché pour mieux se l'approprier. C'est exact, mais ça relève toujours d'un tropisme européen centriste, toujours pesant quand même. Il est vrai que du point de vue historique, peut-être du point de vue sociologique, mais M. Weber nous le dira, et il est vrai qu'il y a quelque chose qui est un petit peu dommage. Sociologiquement parlant, je dois dire que, mes chers confrères, vous êtes totalement à côté de la plaque. Écoutez, nous allons pas garder les vaches ensemble. Restez universitaire, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sur une radio de jeunes. Sociologiquement parlant, je dois dire que vous avez d'un côté une certaine couche sociale qui représente la famille, la présence humaine. Et de l'autre côté, comme disait mon cher consoeur et mon ami Karl Marx, hein, que tout le monde connaît ici, je suppose. On ne connaît que trop bien. Pourquoi vous dites ça? Karl Marx n'a rien à voir. Excusez-moi, recentrons le débat, messieurs et mesdames. C'est exact. Quel rapport donc à la famille avec cette voleuse Jacqueline Boubillard qui donc vole les bijoux du roi à la fin de ce 12e épisode? Ça me paraît évident. Si manque de famille, vol, les statistiques sont là. Ah, c'est donc une équation. Tout à fait. Oui, là-dessus, je serai un petit peu mitigé. Je pense qu'on peut voir tout simplement les faits de voler les bijoux de famille du roi. Le baron, je crois. Il faut être exact, ce sont les bijoux de famille du roi. Oui, qui ont été offerts donc, duc Paolo Bottomi au baron, le voilà, baron. Voilà, roi ou baron, c'est donc la figure d'autorité. Donc c'est bien effectivement la fille qui veut castrer la figure d'autorité, c'est-à-dire le père. Hein. Je crois que c'est évident. Ah, c'est clair. Là, on se retrouve. Je crois que sur le fondement oedipien de cette relation, en fait, avec la castration symbolique de notre bien-aimé roi par... Excusez-moi, vous avez joui ? Non, excusez-moi, c'est... Un historien qui jouit, c'est... Ça n'arrive pas, monsieur, on ne jouit pas dans l'histoire. On réfléchit. C'est un événement. Alors que dans la psychologie... On peut prendre des statistiques de l'année dernière. Le nombre d'historiens qui jouissent pendant leur cours est affolant. Écoutez, c'est donc un autre sujet. C'est un autre sujet, je crois que là nous éloignons un petit peu du. Il est très intéressant, monsieur Weber, que vous en parliez avec cette jubilation qui vous est bien caractéristique, mais nous parlons d'autre chose ce soir. Très bien, donc du feuilleton. Moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. Aïe, putain. Excusez-moi. Une question donc qui me. Enfin, que j'ai au bord des lèvres, voilà. Elle va tomber, monsieur. Elle va tomber, tout à fait. À propos donc de ce fameux 12e épisode du feuilleton Aussi loin que s'en souviennent les Lilas, la question que je me pose, c'est donc l'implication que peut avoir donc cet anglais Peter Brushing qui arrive pour ouvrir un salon de coiffure. Ce n'était pas courant à l'époque. Je pense que Bitbourg était quand même assez innovante dans cette période. Est-ce que cela correspond bien donc à toute l'histoire de cette ville que l'on situe non loin du Berlin? Je crois même que nous pouvons même aller un petit peu plus loin. L'arrivée de nos amis anglais sur le continent. Bon, via cette personne qui importe sa technique capillicole et peut-être les premiers pas de l'homosexualité anglaise sur le continent. Et ça, on ne le dit pas assez. J'ai d'ailleurs un confrère qui fait une thèse actuellement sur le coiffeur, l'implication des coiffeurs dans l'homosexualité française. Et non, je permets de m'insurger clairement. Les chiffres sont là encore une fois, monsieur l'historien. Vous êtes à côté de la plaque! Ça me paraît évident! Je ne suis pas tout à fait d'accord, si je peux me permettre de recentrer un petit peu. Pour ce qui est. Non! Moi, ce que je trouve très intéressant. Je ne suis pas sociologue. Excusez-moi, nous nous éloignons du débat. Voilà, on va se rapprocher un petit peu du débat. Nous allons donc reparler plus donc, de l'implication donc, de ce Peter Brushing qui arrive, fait connaissance avec Abdul Pola. Je trouve ça très intéressant finalement, puisque d'habitude, nous avons eu des épisodes à Bitbourg où on pouvait penser qu'effectivement, les gens n'étaient pas normaux, avaient un comportement qui était anormal d'un point de vue sociologique autant que psychiatrique. Et quand on les retrouve. Sur quel chiffre basez-vous? Vous vous basez? Aucun chiffre. Je pense que ces comportements à Nantes, par exemple, ne serait pas normal. Mais c'est intéressant de voir que dans l'histoire, là où on pourrait penser qu'effectivement c'est l'origine, donc quelque chose de plus naturel, nous avons tout de même des comportements qui sont tout à fait asociaux et qui sont rejetés par les autres. Très bien. Parce que le syndrome de Bitbourg, c'est le rejet depuis le début. Je crois que nous pouvons dire que dès cette époque, les bitambourgeois et bitambourgeoises étaient fous. Et que la modernité n'a rien à voir avec ça. Excusez-moi, messieurs. D'un point de vue humain, d'un point de vue psychiatrique, il faudrait être beaucoup plus détaillé là-dessus. Nous allons tout de suite reprendre le débat juste après cette petite pause où nous allons écouter un homme qui se fait fouetter. Voilà, de retour dans les studios, donc. C'était bon, c'était bien, un contexte historique. Mmh. Les chiffres sont aussi là aussi, le nombre d'hommes qui se font fouetter sont énormes. Faut le rappeler. Oui. Mais c'est d'un point de vue sociologique, c'est très intéressant. Je trouve ça très intéressant également aussi, la manière dont vous l'abordez alors que ce n'est pas le sujet. Donc nous allons parler de la fin pour terminer ce débat fort intéressant d'ailleurs sur le 12e épisode du feuilleton Aussi loin que s'en souviennent les Lilas, et qui s'appelle Le vol des bijoux du roi. Donc à cette fin quand même assez fatidique où on constate d'un côté que Paolo Bottomi qui voulait se marier avec Jennifer, celle qui était considérée comme une sorcière, ne peuvent pas se marier car leurs deux familles sont ennemies, c'est là qu'on comprend que Shakespeare quand même n'a rien inventé. Shakespeare était anglais. Voilà, l'anglais est voleur. Et d'un autre côté, nous avons ce vol assez extraordinaire de Jacqueline Boubillard qui arrive donc au bout d'une corde pour voler les bijoux du roi. D'une corde, c'est très important. Alors la corde, un lien. Statistiquement, toujours au niveau du vol. Alors le vol, il existe souvent le vol avec les revolvers. D'accord. Et la corde arrive quand même en cinquième position. Il faut le rappeler. Un revolver qui n'existait pas à cette époque. Il faut arrêter avec les chiffres, monsieur. Ça suffit. Les chiffres sont là, présents. Il faut les utiliser. Écoutez-moi. Comme disait vos chiffres, mon ami Weber. Pouvez vous les tailler en pointe et vous asseoir dessus. Ça suffit. Arrêtez avec vos chiffres. Alors vous, l'historien, ça suffit. Ta gueule, hein. Ça suffit. Arrêtez. Non, il y en a marre. Forcément toujours évident. Il y en a marre. Ça ne sert à rien. Attendez. C'était pas aussi grave. Très bien. On va faire une petite pause. Allez-y, tapez vos dessus. Oui, c'est con. Allez-y. Je viens. Très bien. Donc nous ne pouvons pas dire grand-chose finalement donc sur ce feuilleton, si ce n'est qu'on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 13e épisode du feuilleton Aussi loin que s'en souviennent les Lilas. D'ici là, moi je vais rejoindre mes amis et me foutre des tournioles dans la tronche. On vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute de Prune.